Les belles rencontres. Bonjour, je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter un artiste du Haut-Saint-François demeurant à Widon, André Pelletier, dont sa technique est toute spéciale car nous allons découvrir ses œuvres qu'il crée à partir du crayon à mine et aussi en passant par l'acrylique. Bonjour André. Bonjour. C'est un vrai bonheur de te rencontrer ce matin. Pour débuter notre entretien, comment est apparue ta passion pour les arts? Est-ce que tu as commencé quand tu étais jeune ou bien c'est apparu un peu plus tard? C'est sûr que je dessinais étant enfant, comme bon nombre d'enfants, si tu veux. J'ai commencé à faire de la peinture à l'huile à l'âge de 13 ans. Ah, là, mes tantes m'avaient acheté un ensemble là, de peinture, pinceaux, etc. pour débuter la peinture à l'huile parce que elle devait trouver que je faisais des beaux dessins. Je sais pas trop, je me rappelle pas exactement. Alors, ça veut dire qu'elle trouvait que tu avais un intérêt pour les arts déjà, oui, hein? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de peinture à l'huile, puis je présume que je dessinais aussi pas mal. C'est assez vague. Sauf que à l'école, au secondaire, je séchais des cours pour aller à des ateliers d'art plastique. Ah oui! Oh, ouais. T'étais vraiment là, attiré vers ça. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais en tout cas, puis j'ai continué. J'ai fait un petit peu de cégep, mais j'ai décroché en 70. Il y avait eu... ça brassait pas mal à cette époque-là, dans le cégep. Puis il y avait eu la crise d'octobre. Puis en fait, non, j'ai décroché en 71. Il y avait des occupations étudiantes, des manifestations étudiantes à Montréal. Je suis parti en milieu de session en 1971. Puis j'ai quand même continué sporadiquement à faire de la peinture puis de dessiner un peu. Mais t'as toujours quand même... T'as fait toujours... Oui, j'ai toujours gardé ça... Mais à un moment donné, j'ai recommencé, je crois, c'est en 2007, là, à dessiner et à peindre assidûement. Ah oui, de façon continuelle. Ouais, ouais, Mais comme tu as commencé avec la peinture à l'huile, puis tu as fait en même temps du crayon. Oui, le crayon, c'est peut-être venu un peu plus tard. J'en faisais à l'école. Ce qui m'a attiré... dans le crayon, c'est primo, ça coûtait pas cher l'équipement. Non. Ensuite de ça, c'est propre. Tu peux en faire partout. Oui. C'est pratique. Puis j'aime ça. Je sais pas pourquoi j'aime les traits de crayon. Je donne un coup de crayon. Ça me fascine. C'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi. C'est apparu comme ça d'une façon graduelle. Oui, on pourrait dire. Oui. Puis là, d'une façon assidue, ça l'a été en 2007, c'est ça? Oui. OK. Puis là, mais j'ai vu un peu ton portfolio, j'ai vu que tu as fait des portraits au crayon aussi. Oui. Mais à cette époque-là, tu faisais des portraits. Oui. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ça qui t'a amené à faire ce que tu fais. Mais pourquoi est-ce que tu fais pas de portraits, là, que tu n'as pas continué là-dedans? Parce que c'était quand même... Parce que ça m'amuse pas, j'ai aimé l'exercice que ça me faisait faire, l'observation beaucoup. Puis quand le résultat était bon, j'étais content, c'est sûr, sauf que t'es pas libre de faire ce que tu veux. Moi, il faut que j'aie du plaisir à faire ce que je fais. Le portrait, le seul plaisir que ça m'apportait, c'était d'avoir un bon résultat. L'exécution, c'était tel que tel, si tu veux. C'était moins créatif. Tandis que là, présentement, quand je fais du crayon à mine, primo, je découvre des trucs en travaillant. J'essaie de les exploiter. Il y a toujours une nouveauté. Des fois, je peux travailler sur la transparence, d'autres fois sur la douceur du trait de crayon ou la finesse. En tout cas, il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent, sans compter des formes qui apparaissent puis que je travaille, puis finalement, je sais même pas ce que je vais faire, ou si j'ai une idée de départ, c'est jamais la même affaire qui aboutit au bout de la ligne, parce que je découvre, puis je développe en travaillant. Ça veut dire que quand tu fais ton crayon, ça vient d'une façon spontanée. Ouais. Puis même si tu fais un plan, ça peut tout se transformer. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce que tu fais toujours un plan? Non. Ou bien, t'en fais jamais? Presque jamais, non. Ah non? OK. Non. Au tout début, quand j'ai recommencé à faire du dessin, je faisais des bonhommes ou des trucs comme ça. Mais j'avais pas... Bon, c'était des bonhommes, mais j'avais pas d'idée préconçue sur le développement. Ça allait comme ça venait. Puis là, bon, ben, mes trucs sont un peu plus abstraits ou un peu plus... imaginatif, comme dans le... Ouais, symbolique. Symbolique, je vois des symboles aussi. Ben, c'est ça, le fait que tu fais des choses qui apparaissent au fur et à mesure, mais tu t'inspires aussi de plantes. Oui, oui, les plantes, les oiseaux. Oui, c'est sûr, la nature m'influence. La nature? C'est bien. Ouais, oui, c'est parce sûr. Que je vois ici, là, pas, juste en arrière de toi, là, qu'il y a des, il y a des feuilles. Oui, oui, oui, ouais, c'est sûr, oui. Puis à partir de ça, tu vas faire quelque chose de création autour. C'est pas du figuratif à... Ben, je parle, on peut dire que je parle un peu du figuratif pour m'en aller vers l'abstrait. Oui. Puis j'aime les deux, finalement. J'aime l'abstrait comme j'aime le figuratif, puis... À un moment donné, même mes toiles sont comme ça aussi. C'est ta connotation figurative, oui, c'est ça. C'est des formes qui sont pas naturelles. Puis en tout cas, j'essaie de combiner les deux. C'est drôle, je sais pas pourquoi. Peut-être pour essayer de faire apprécier l'abstrait aux gens qui aiment pas ça. Je sais pas. Mais quand il y a des choses comme... est-ce que tu fautais des fois un compas? Est-ce que... Non. C'est toujours à m'élever. Oui. Tout le temps. Oui. Ah, ben, parce que c'est très harmonieux. Il y a des fois que c'est égal. Oui. Mais je m'en sers aussi beaucoup de l'efface. OK. Quand il y a des traits qui me plaisent pas, j'efface, je me sers beaucoup de l'efface. Beaucoup de l'efface, OK. Tandis que à la peinture, à l'acrylique, là, je peux pas faire ça. Non, on peut pas effacer. Il y a une affaire. D'ailleurs, les peintures à l'acrylique, mes trucs sont plus carrés que ronds ou que... C'est vrai, oui. Mais comme là, pour ton crayon, tu dois avoir une panoplie de grosseur d'huile. Oui. Ça peut aller du 6H au 6B ou même 8B. Ouais. C'est fin. Puis à un moment donné, on sent qu'il y a comme un grand trait. Là. Oui. Est-ce que tu prends tes mains des fois pour... Oui. Pour pouvoir faire... Oui, des fois avec mes doigts là, pour, qui servent d'estompe. Mais je me sers beaucoup des estompes aussi en papier. Ah oui, tu as des estompes en papier. Oui. Ben, ils en vendent, j'ai un moment de serre, t'as des estompes, là, je me sers beaucoup. Des fois, je commence mes dessins avec une estompe parce que, mettons que je suis pas satisfait des lignes que j'ai exécutées, je peux les effacer. C'est pas un trait de crayon qui s'effacera plus facilement. OK. Fait que je peux faire, soit une courbe ou un rond, puis si ça apparaît pas comme je le veux, je peux l'effacer facilement parce que c'est pas imprimé dans le carton, dans le papier. C'est plus facile à corriger. Puis une estompe, c'est un gros papier, je connais. C'est des papiers roulés, mais c'est roulé tellement serré, là. OK. Que je peux t'en montrer si tu veux. OK, ben on regardera ça tantôt. Ouais, on visitera plus ton atelier. C'est de valeur qu'on puisse pas visualiser. C'est ça, j'ai différentes estompes, puis quand ils sont trop chargés de mine, je peux m'en servir pour faire des ombres. Oui, oui. Puis quand ils sont trop chargés de mine, puis j'en ai besoin, que je fais juste les sabler pour retourner sur le papier, pour pas trop noircir mon papier quand j'en ai pas besoin. Ben c'est vraiment une technique spéciale. Que j'apprends au fur et à mesure, parce que j'ai pas vraiment étudié ça. C'est ça, t'es un autodidacte au crayon. Oui. Fait que tu fais des choses aussi très magnifiques que j'ai vues, sincèrement. Puis, je vois aussi que tu fais plus des grandes œuvres. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as besoin de plus d'espace? Parce que les petites, Oui, je suis pas capable de... Ça me prend ça. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas dire. C'est comme un genre de liberté aussi, hein? Ouais, un grand espace, là. Ça me prend c'est moins confiné. Oui, c'est un peu comme... Moi, je pourrais dire ça. Ça que j'expliquais à ma belle-sœur à un moment donné, j'aime la musique classique, mais j'aime aussi le jazz puis la musique tonitruante. Ça me prend. ça me prend de l'expansion. Je sais pas. Je suis pas capable de travailler tout petit. Là. Parce que dans le fond, même si tu fais des grandes œuvres, tes traits sont tout petits. Oui. Oui. Il y a des traits minutieux. Ouais. Oui. Mm. Mais ça me prend de l'espace. Ça prend de l'espace pour commencer. Oui. Ouais. Puis, pour faire tes traits, pour faire tes dessins, il faut énormément de patience. Oui. Comment ça peut prendre ça peut prendre plusieurs jours? Parce que tu vis avec ton dessin aussi. Est-ce que quand tu le regardes, bon, ben, tu vas te dire, bon, moi, je vais faire ça, parce que là, ça ressemble à ça. Oui, puis, comme, tu vois, ce dessin-là, j'ai peut-être travaillé quelques heures là-dessus, puis j'ai pas touché depuis 3 semaines. Okay. Deux, 3 semaines, mais. Parce quand que je recommence, je le regarde de temps en temps, je vois des affaires, je vais faire ça, des fois je m'en rappelle plus, je passe à d'autres choses. Et, mm-hmm. À un moment donné, il va te parler, là, il parle à ton inconscient, puis à un moment donné, ça. Ah ouais, c'est ça, je vois des trucs, puis je continue avec ça, puis c'est spécial, c'est de la découverte tout le temps, c'est ça qui est le fun. Puis t'es pas, c'est ça, puis même s'il n'est pas fini tout de suite, c'est pas grave. Non. Tu mets pas de pression, faut que je finisse tout de suite, t'en commences un autre, puis ouais. Ça veut dire que tu peux travailler sur 2-3 dessins en même temps. Oui. Puis l'été, je fais un peu plus de peinture, printemps, puis l'automne. Je fais plus de peinture parce que la température est agréable dans la grange. OK. Parce que c'est ça, toi, tu as une place plus ici comme un atelier de dessin, à la mine. Oui. Et puis, pour la grange, c'est de l'acrylique que tu fais. Oui. Mais comment tu as découvert l'acrylique? Parce que tu as commencé à l'huile? Oui. L'acrylique, ma belle-mère en faisait un peu. Ah, OK. Ensuite de ça, j'avais des copains à l'époque à Longueuil qui en faisaient. Et puis, c'est parce que l'huile, c'est plus salissant, c'est plus... Il faut nettoyer les pinceaux avec de la térébenthine, ça sent mauvais, puis... Mais il y a beaucoup d'avantages à l'huile que je regrette, parce que dans le temps, j'aimais ça, que tu retrouves pas à l'acrylique. Par contre, à l'acrylique, il y a un paquet d'autres trucs intéressants que je développe au fur et à mesure parce que j'ai pas de technique. Ni dans l'acrylique, ni j'en avais pas non plus à l'huile. Parce que les études que j'ai faites sont tellement courtes, j'ai pas eu le temps d'apprendre ces trucs-là. C'était plus de des trucs de base à l'époque, hein, quand tu vas au cégep. Des cours de couleurs, des cours de ci, de ça, mais c'était vraiment en surface, on commençait. Fait que j'ai pas eu le temps d'apprendre les techniques, vraiment. Je découvre ça au fur et à mesure. Mais c'est comme ça aussi que les artistes font leur signature, sont personnels, hein? Oui. C'est vrai, parce que... Je suis pas influencé par des techniques apprises à l'école. Par contre, je suis désavantagé d'un autre côté, pour la rapidité de mes trucs, ça me prend une éternité à faire ma peinture parce que je rate des trucs, je recommence continuellement, mais je découvre. Ouais. Je découvre énormément, fait que j'aime ça aussi, c'est le fun. Mm. Ouais. Fait que l'acrylique, c'est sûr que c'est pas la même chose que l'huile. Les pinceaux, ça se nettoie à l'eau. Ouais. Sauf que si l'huile, c'était faire une spatule, mais là, tu prends un linge pour l'essuyer. T'as pas besoin de térébenthine pour... Mais tu gaspilles beaucoup de pinceaux. On gaspille quand même un petit peu. Toi, est-ce que tu fais de l'huile? Moi, je fais de l'huile, pour ça. C'est différent. Oui, ça sèche lentement. Ça sèche très lentement. Tu peux reprendre tes trucs, ta toile n'est pas encore sèche. Tu peux diluer tes affaires directement sur la toile. Ça, je trouvais ça merveilleux pour ça. OK. À suivre.